Chai Se-jin, secrétaire général de la Société du District Central et Méridional de l'Association Générale des Coréens en Chine, a publié le 2 décembre un article pour critiquer le troisième entretien de Park Geun-hye adressé à la population qui a fait l'effet de l'huile sur le feu.